Deutéronome chapitre 10. En ce temps-là l'Éternel me dit, taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi en la montagne, et puis tu te feras une arche de bois. Et j'écrirai sur ces tables, les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as rompues, et tu les mettras dans l'arche. Ainsi je fis une arche de bois de sittim, et je taillai deux tables de pierre comme les premières, et je montai en la montagne, ayant les deux tables en ma main. Et il écrivit dans ces tables, comme il avait écrit la première fois, les dix paroles que l'Éternel, vous avez prononcées sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée, puis l'Éternel me les donna. Je m'en retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont demeurées, comme l'Éternel me l'avait commandé. Zéroer, les enfants d'Israël partirent de Beéroth Bénéjaakan pour aller à Moséra. Aaron mourut là, et y fut enseveli, et Éléazar son fils fut sacrificateur en sa place. De là ils tirèrent vers Gudgo, et de Gudgo ils allèrent vers Jotbat, qui est un pays de torrents d'eau. Or en ce temps-là l'Éternel avait séparé la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant la face de l'Éternel, pour le servir, et pour bénir en son nom, jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a point de portion ni d'héritage avec ses frères, mais l'Éternel est son héritage, ainsi que l'Éternel ton Dieu lui en a parlé. Je me tins donc sur la montagne, comme la première fois, durant 40 jours et 40 nuits, et l'Éternel m'exauça encore cette fois-là, ainsi l'Éternel ne voulut point te détruire. Mais l'Éternel me dit, lève-toi, va pour marcher devant ce peuple, afin qu'ils entrent au pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et qu'ils le possèdent. Maintenant donc, ô Israël, qu'est-ce que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme? En gardant les commandements de l'Éternel, et ses statuts, que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères. Voici, les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel ton Dieu, la terre aussi, et tout ce qui est en elle, mais l'Éternel a pris son bon plaisir en tes pères seulement, pour les aimer, et il vous a choisi, vous qui êtes leur postérité après eux, entre tous les peuples, comme il paraît aujourd'hui. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et ne roidissez plus votre cou. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant, et le terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes, et qui ne prend point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, pour lui donner de quoi se nourrir, et de quoi se vêtir. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. C'est lui qui est ta louange, et c'est lui qui est ton Dieu, qui a fait en ta faveur ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70 âmes, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a fait devenir comme les étoiles des cieux, tant tu es en grand nombre.